J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Je m'éclabousse, j'en ris. Mon poisson bouge dans mon bain de mousse. Je l'en mitoufle, je lui dis. J'ai pas de problème, je fais néant. Pas de malaise, je fais néant. Dans l'eau je baigne, c'est l'important. Bien à mon aise, dans l'air du temps. J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Je bue la l'ombre des bombes. Tout est délice ici, délit docile. Je fais la liste des choses. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extrémistes à deux balles qui voient la.